Alors, le tableau 5, on a vu les gains de l'artiste qui mensuellement étaient immenses, les gains de Art Valor. Maintenant, nous allons voir les gains de Diam Valor. Alors, donc, c'est pareil, c'est des micro-pourcentages. Là, c'est des capital. Pourquoi? Parce que c'est la faisabilité. Art Valor assure la spéculation. Vous verrez par la suite. Art Valor est vraiment capital. Bah déjà parce qu'on apporte des centaines et des centaines d'artistes, on crée le stock, des conditions, des. Mais maintenant, il faut une société spécialisée dans le recrutement des vendeurs. Et puis pour nous payer tous, voyez, pour gérer toute cette masse d'argent, il faut une société spécifique. Alors là, je l'ai appelé Diam Valor temporairement, mais. Ce sera certainement une autre holding. Alors, c'est des groupes de très haute finance. Grosso modo, il y a deux moyens de les faire travailler. Soit vous leur proposez 1 million d'euros pour qu'ils voient votre cas et pour qu'ils réalisent une mission et vous disent ouais, c'est faisable et ils sont payés 1 million. Soit vous les intéressez à la commission. Alors, c'est ce que je fais, moi, je les intéresse à la commission. Alors, Diam Valor, à chaque fois qu'un tableau est vendu, vous savez, tout ça, c'est chaque fois que vous allez. Finalement, c'est l'artiste qui crée la valeur. Mais il faut des gens, des intermédiaires pour la transformer en vente et en argent. Bon, ils sont spécialisés dans ça. Alors, Diam Valor doit recruter pour nous 2 500 commerciaux à terme. Nous, ce qu'on fera aussi, c'est qu'on va les recruter en interne au début. Mais bon, je vous expliquerai tout ça. En tout cas, quand on aura besoin d'eux pour qu'ils activent leurs commerciaux, parce que les 2 500 commerciaux, c'est déjà des équipes avec qui ils travaillent, vous voyez. Donc pour eux, c'est en 2 secondes. Ils nous disent d'accord, d'accord, et ils commencent. Donc on va leur demander de recruter des commerciaux un peu plus cultivés en art. Ça a un coût. Il va falloir qu'ils téléphonent à tous les commerciaux en disant, ouais, viens, on a un nouveau produit. On faisait de la finance, maintenant on fait de la haute finance avec les œuvres d'art, viens nous voir, etc. Ça a un coût, les bureaux, etc. Donc on va voir le détail. Alors Diam Valor sur chaque œuvre touche 1% pour recruter les vendeurs. Il touche 1% pour former les vendeurs. Ça fait combien ça? 1%, ça fait 35 euros. Bon, 35 euros pour former, vous proposer à une société de très haute finance. 35 euros pour former des commerciaux, c'est les soldes. Hein. C'est les soldes. Parce qu'une formation aujourd'hui, ça coûte 250 euros la journée. Donc là, 35 euros, vous voyez, c'est à chaque fois, ils nous font un bon prix. Je vous expliquerai, c'est parce que parce que déjà, je travaille avec eux, alors je peux mieux leur vendre, je suis plus conscient des rabais possibles. Ensuite, pour gérer les ventes, ils touchent 1%. C'est-à-dire, allô, ouais, j'ai tel client, il veut acheter 10 tableaux, mais il n'y en a pas, ils sont où? Qu'est-ce qu'il fait l'autre? L'artiste, là, il nous envoie pas les trucs, qu'est-ce qui se passe? Bah attends, on l'appelle. Oui, allô, l'artiste, t'en es où là? On a vendu tes œuvres, qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous me payez que 33%. Ouais, mais t'as fait le contrat, bon, tu fais quoi? Etc. Bon, vous voyez, ça demande donc le recrutement, bah, pour l'instant, ils auront qu'un recruteur. Les formateurs, ils auront qu'un recruteur. Et puis, sur toute une collection, ça fait 21 000 euros. Donc, du coup, ils en auront 2, 3, 4, 5, 6. Plus on vend de tableaux, plus on a de pourcentages qui vont dans le recrutement. C'est exponentiel, ça fait un effet boule de neige. Comme le produit est parfait, que les commerciaux vendent plus, que les artistes sont prêts à faire des concessions en vendant à un taux exceptionnel, mais en demandant à ce qu'il y ait la quantité, bah voilà. Du coup, paf, l'effet boule de neige fait en sorte que, au fil du temps, avec des commerciaux et pas des galeries d'art, la presse et tout. Ça, c'est après, ça. Ça, c'est quand on a gagné de l'argent, on achète autant de galeries d'art et de pubs qu'on veut. Mais au début, on va tisser un lien comme ça dans la population française qui est un peu collectionneuse, qu'on va s'insérer et hop, ensuite, tous ces petits 1%, etc., eh ben, ça va créer des emplois, créer des emplois. Ça veut dire que les artistes qui travailleront avec moi aujourd'hui et qui arrêteront, par exemple, au bout d'1 an, 10 ans, 20 ans, ben, ces artistes-là, en travaillant sur ces chiffres, C'est vraiment, hein, tout le tableau va être, recopié comme une œuvre d'art, écrit à la main, calligraphié. C'est une charte, c'est un manifeste art financier et artistique. Ben, voilà, ces petits pourcentages sont dans une réalité. Chaque fois que vous peignez un tableau, vous faites un trait, vous dites, ah, là je paye la secrétaire, je la connais, elle est sympa, c'est Fanny. À chaque fois, elle m'accueille bien. Hop, là je paye le commercial. Ah, le commercial, par contre, c'est quand même 33% du tableau. Ah, je paye Diem Valor. Et dans les 33 derniers pourcents, ben voilà, je me paye moi, mais ça me fait 1000 euros. C'est phénoménal, 1000 euros par tableau pour un tableau à 3500. Enfin, c'est 1100. Et c'est non négociable, hein, c'est clair. L'artiste qui me dit non, moi je veux plutôt être à 60, ben vas-y, vas-y. Et on se donne rendez-vous dans un an et tu me dis combien t'as vendu. Moi je te dis combien l'artiste le plus bas de chez moi a vendu et il t'a explosé 10 fois, 20 fois, 40 fois ton salaire. Il a travaillé beaucoup plus son œuvre. Aujourd'hui, son œuvre est partout dans les appartements. Tout le monde le connaît beaucoup plus. Pourquoi? Parce que lui, il a accepté que t'as refusé. Bon, voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, donc on a vu, hein, Diem Valor, il recrute les artistes, les vendeurs. Moi, je recrute les artistes, mais eux, Diem Valor recrute les vendeurs. Il les forme, il gère les ventes et il paye les artistes et les vendeurs. Donc ça, c'est les feuilles de paye, etc. C'est compliqué la comptabilité. Ben, voilà. Ensuite, et au lieu de faire sur le tout, j'ai fait à chaque fois qu'une œuvre est vendue. Oui. Ensuite, il y a le pourcentage de Diem Valor, et là c'est beaucoup, c'est 10%. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est un groupe de haute finance, ils ont le savoir-faire, ils vont savoir recruter les meilleurs vendeurs, ils vont savoir faire les meilleures formations parce qu'ils font ça depuis 30 ans. C'est simple, vous vous baladez sur la Côte d'Azur, ben, un immeuble sur 7 a été construit par eux et vendu par eux. Voilà, j'ai tout dit. Eux, ils négocient les stocks. Là, par exemple, je travaille avec, pour l'instant, il y a 100 artistes qui sont capables de fournir beaucoup plus que 50 œuvres parce que c'est des photographes, ils sont capables d'en tirer 400 par mois sans problème. Donc là, j'ai pour l'instant un volume d'affaires, une collection de 13 millions d'euros minimum. Entre 13 et 70 millions d'euros avant 6 mois, et on va vite être dans les 240 millions d'euros à négocier. Pourquoi? Parce que les artistes, ils fournissent les œuvres, c'est envoyé, c'est vendu, c'est envoyé, c'est vendu. À terme, on a une collection de 240 000 euros, 240 millions d'euros avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes. Bah, je lui propose ça. Bonjour monsieur, voilà. Je sais que vous avez fait fortune dans l'immobilier, dans les assurances vie, dans la finance, dans la bourse, etc. Je viens négocier avec vous. Ah, vous venez négocier quoi? Bah, un stock. C'est quoi? C'est un immeuble que vous me proposez? Ah non, c'est beaucoup plus qu'un immeuble. Il y en a pour 20 millions d'euros. Il y a au moins 10 immeubles là. Il me dit, ouais, pas mal, moi je sais vendre des immeubles. Dites-moi combien je suis payé, etc. Bah, il faut le payer bien. Et c'est pour ça que Diem Valor est payé à 10%. Déjà. Et que les commerciaux sont payés à 33%. Il faut les intéresser. Pourquoi? Parce que quand j'arrive avec mon stock de 240 millions, déjà j'arrive dans le bureau, la secrétaire me dit d'attendre. Si j'arrive à rentrer, bon, j'arrive à rentrer en l'occurrence. Une fois que j'arrive dans le bureau, pendant que je rentre dans le bureau, je vois Martin Bouygues sortir parce que, il a négocié la reconstruction de l'île de la Cité, de l'île Saint-Louis, des négociations à 2 milliards d'euros. Et c'est pour ça que, pour l'intéresser, je dois lui proposer beaucoup d'artistes un gros stock, un paiement quotidien pour ses commerciaux, c'est pour ça que le commercial gagne 33%, et aussi ben, l'intéressement pour Diem Valor. Et je lui dis, bon voilà, c'est 10%. Et là, il réfléchit, il dit 10% pour moi, plus 33% pour les commerciaux, ça fait 43%, c'est du jamais vu, j'accepte. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Pas le choix. On doit être. Je vais vous dire un truc. Hein. Au jour d'aujourd'hui, vous allez travailler en tant qu'artiste dans n'importe quelle galerie d'art, avec n'importe quel grand, grand, grand, grand marchand d'art, avec Christie's, Sotheby's, tout ce que vous voulez, vous n'aurez pas des meilleurs vendeurs. Vous n'aurez pas des meilleurs vendeurs. C'est simple. Ils pourront vous faire gagner sur la quantité en spéculant à mort et en étant dans une sorte de jeu un peu trouble. Qui d'ailleurs fait en sorte qu'ils vous choisiront vous, mais pas vos copains. Et d'ailleurs, ils vous choisiront pas tout simplement, hein, allons plus vite, en fait. Voyez? Ou dans 20 ans hypothétique. Donc là, déjà, c'est réglé. Et moi, je vous fais travailler avec des commerciaux qui ont besoin de manger tous les jours, et avec des très, très, très, très grands financiers qui ont 10 fois le niveau intellectuel et la capacité financière de n'importe quel galeriste, de n'importe quel marchand. Vous me dites, mais vraiment, hein, vous me citez Gagossian, ouais, il est au même niveau. C'est kiff, kiff. Ben, moi, vous allez travailler avec des gens de ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est une petite famille. Je veux à tout prix que ce soit pas que des entourloupes. L'artiste qui dit, ah ouais, je vais vendre à ces abrutis de commerciaux. Les commerciaux qui disent, ah, oh, je vais vendre cette merde à des abrutis de clients. Les clients qui disent, ah, je me suis fait niquer. Surtout pas. Je veux que les clients, les commerciaux et les collectionneurs et les grands financiers et nous, les spéculateurs d'art, tous, on se réunisse, bon, c'est pas forcé, hein, mais qu'on se voit de temps en temps, qu'on parle de tout ce montage qui, selon moi, est très sain, d'accord? Mais aussi qu'on l'améliore, que quelqu'un dise c'est dégueulasse, la formation, c'est pas Diam Valeur qui l'a fait, maintenant c'est Art Valeur, pourquoi ils ont 1%? Bah voilà, c'est modifié tout de suite. Ils me disent, ah, c'est dégueulasse, tel truc, vous dites bon, il y a mille exemples, mais chaque plainte sera entendue. Je veux à tout prix que le vendeur, que l'acheteur dise, ah, donc le type qui m'a vendu l'œuvre, il m'a vendu 3 500 parce que bon, c'était son vrai public, c'est son vrai prix public, mais l'artiste a été payé que 1 000, c'est bizarre. Et vous, le commercial, vous avez gagné 1 000 euros en me vendant l'œuvre, vous auriez pu me faire une seule, 500 euros de. Vous voyez? Et je veux qu'on en parle. Je veux qu'on en parle et qu'on explique, ah ouais, mais c'est pour ça, c'est pour ceci, c'est pour cela, et que le collectionneur sache que l'œuvre suit un bon processus, un processus logique. Je veux que tout soit transparent, tout, tout, tout, tout, tout, zéro secret, zéro secret. Que la concurrence arrive et dise, ah, ils font comme ça, ah d'accord, ben on va faire pareil. Et ben s'ils font pareil, tous les artistes et tous les commerciaux vivront. Bah, c'est la concurrence, ils m'écraseront parce qu'ils ont plus de moyens, c'est pas sûr, parce que moi, avec les financiers avec qui je travaille, je sais que ils peuvent envoyer les bulldozers, j'ai les tanks derrière, voyez, les tanks derrière qui arrivent. Donc, il n'y a pas de problème pour moi. Je peux livrer tout le secret de. Je veux que ce soit transparent à 100% pour que les gens puissent le faire, mais surtout pour que nous-mêmes, quand on l'élabore, on l'élabore de manière saine, sans aucune entourloupe, jamais. Quand je dis à l'artiste, putain, je te prends 64%, non, 66%, 67%, je te prends 67% pour chaque œuvre, je veux que l'artiste dise, oh là là, qu'un copain de l'artiste dise, mais tu te fais arnaquer si tu prennes 67%, et je veux que l'artiste explique, ah ouais, mais aussi, tu vois, mec, je sauve la vie d'un commercial, je travaille avec un grand groupe financier. J'ai 610 collectionneurs sur des séries commandées par Art Valor et j'ai vendu tout mon stock. J'ai jamais vendu autant d'œuvres. Vous voyez? Pourquoi? Ah ouais, comment tu fais? Mais ils te prennent quand même 33%. Ben ouais, mais ça marche parce que c'est comme ça. Le montage est comme ça, vous voyez? Et c'est pour ça que la transparence est bien. Vous croyez qu'un galeriste, il va vous expliquer les gains fiscaux, les ceci, il va vous expliquer toutes les manigances, en fait. Eh bien, moi, mes manigances, c'est de la stratégie ouverte et de l'intelligence pure. De l'astuce qu'on peut dire, qu'on peut chanter, comme l'amour. Quelqu'un tombe amoureux, il voit une belle femme, il dit, ah, je l'aime, elle est magnifique parce qu'elle a des beaux yeux, parce que mon cœur bat fort, parce que mes mains sont moites. Bah, tout ça, tout ce qu'il dit, c'est la réalité. Faut pas la cacher. D'accord? Eh bien, moi, je veux ne jamais rien cacher et tout dire. Ok? Voilà, on a fait donc la part de Diam Valor. Et le collectionneur, donc, ben voilà, lui, il achète l'œuvre à 3 000 euros. Et qu'est-ce qu'il y a pour lui? C'est quoi 157? C'est quoi ce chiffre-là? Attendez, il y a un petit chiffre là, je regarde. Prix, apprends à connaître l'art. C'est quoi ce bordel? Suis online l'évolution. Bon, là, il y a 175 euros. Vous voyez, comme je suis dans un truc de transparence, sur le tableau, j'ai 175 euros pour le collectionneur. Je vois pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est. Je pense que c'est l'argent qui est investi pour ouais, je crois que sur les 3 500 euros, on lui dit qu'il y a 175 euros qui sont directement investis. Bon, ça, je vais vous l'expliquer après. On va passer à l'autre tableau, donc. À tout de suite. Bisous. Hop.